producing James Infirmary. I saw my baby Zagger, she was stretched out on a long white table, so sweet, so cool and so fair. Voilà, voilà, bonjour à vous tous, ça y est, c'est le Campus Info, comme tous les vendredis de 16h à 17h. Nous sommes en direct du Parvis de Saint-Gilles, en lien avec la Brasserie de l'Union. Et nous faisons un agenda culturel de ce qui se passe dans Bruxelles, un peu particulier, puisque à l'animation, c'est Leslie Doumerc. Bonsoir, Gratelien. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Mais ça va bien, j'ai pas l'impression qu'on m'entend beaucoup. Mais à la radio, oui, on t'entend. Peut-être pas en sortie ici direct, mais tu peux changer de micro. Change de micro, allez, on est dynamique. C'est ça le direct. Donc on change de micro parce que c'est aussi intéressant qu'on t'entende évidemment dans la rue. Dans la rue. Voilà. Ça. Raconte-nous un peu alors qui est comme invité ici dans Radio Cameo. Bah, beaucoup de monde ici dans le camion et ça tombe bien parce qu'on peut se réchauffer. Alors je vais commencer en galanterie par les garçons. Hein. Devant moi, on a Orlando Quintero et Salim alias Ed Weedy. C'est bien ça. Salut les garçons. Ed Weedy, pardon. On a aussi Dominique et Marie Camoin du Jacques Franck. Et on a Joël Beaumerder de la Maison du Livre. Bonsoir à tous. Et bonsoir. On vous a réunis ce soir pour parler d'un événement quasi international, on peut le dire, hein, puisque Saint-Gilles, votre commune, va être Ville des Mots en 2015. Alors, Saint-Gilles, Ville des Mots, en deux mots justement, ça consiste en quoi? Je vais laisser la parole peut-être à une personne qui était, c'était prémonitoire qu'elle soit dans ce camion, vu qu'elle s'appelle Marie Camoin. Ça commence déjà par un jeu de mots, et c'est déjà du coup l'esprit Ville des Mots, qui est effectivement un événement, un festival, une campagne, on peut la nommer de plusieurs façons, qui a une coloration internationale, puisque c'est en lien avec la Semaine internationale de la langue française en fête, aux alentours du 20 mars, qui est la Journée internationale de la francophonie, qui est fêtée partout dans le monde, et en particulier en Belgique. Cela se passe dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui fête ça en 2015, du 14 au 22 mars. Et dans la commune de Saint-Gilles, ce sera encore plus intense, puisque ce sera la Ville des Mots 2015. Chaque année, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une ville différente qui est choisie pour incarner, on va dire, cette intensité, ce carrefour de la fête. Et à Saint-Gilles, nous vous invitons donc du 14 au 22 mars pour une série d'animations dans les rues et dans les lieux culturels de la ville. Et surtout, le but de la fête, c'est qu'on partage un moment festif autour des mots, en vous surprenant dans les rues, puisque une des particularités du concept Ville des Mots, c'est de créer un décor urbain à partir de phrases, de lettres, et surtout à partir de mots choisis par les habitants, les artistes, les commerçants, les associations, les écoles du quartier. Est-ce que j'en dis plus ? Ben, on peut peut-être laisser la parole à... Je suis au micro parce que ça fait des bruits. Ah oui. Alors on va se serrer encore plus et on peut peut-être laisser la parole à tes collègues et amis et proches hein, qui sont vraiment au sens propre du terme très proches de toi. Joël, donc toi tu es de la Maison du Livre et tu es partenaire de l'événement. En fait, c'est une structure assez intéressante, hein, cet événement Ville des Mots. C'est-à-dire qu'on est un comité de pilotage, un collectif. Et dans ce collectif, il y a le Centre culturel Jacques Franck, il y a la Bibliothèque communale de Saint-Gilles, il y a le service de la culture de la commune de Saint-Gilles, et puis il y a la Maison du Livre. Voilà. Continuez, c'est ça. Voilà. L'idée directe, c'est qu'il y a des gens qui viennent causer, donc on vient leur dire bonjour. Ils demandent quelle radio c'est, on dit Radio Campus. C'est Radio Campus. Et alors, ce que je trouve particulièrement passionnant dans ce projet, c'est que ce ne sont pas nous les organisateurs, nous sommes juste les pilotes, on s'appelle les copilotes entre nous, et on a invité la population saint-gilloise, mais alors vraiment tout le monde, on l'a déjà dit, je crois, à nous envoyer leurs projets autour de Ville des Mots. Donc on n'asperge pas cette culture de Saint-Gilles d'une série de projets. Non, ce sont tous ceux qui font Saint-Gilles, qui nous ont rentré des propositions. Combien ? Je pense qu'on en a reçu 137. Combien ? 137. 137 projets. Oui, enfin, peut-être Marie, c'était 135 ou 142, mais... C'est pas mal. C'est à peu près... Et là-dessus, nous avons pu en retenir 114 ? Non, 70. Ah bon ? 70 et des poussières. Bon, alors, voilà, Marie. 70 et des poussières. Voilà, 70 et des poussières. Des poussières. Des poussières. Et des poussières, c'est des surprises pour nous aussi. Et sinon, les autres projets, ils émanent d'artistes, d'habitants, de personnes qui s'expriment sur Radio Campus ou sur Radio Panique, puisque Leslie est une des porteuses de projets. Et donc, ce qui est effectivement très, très gai, c'est qu'à l'intérieur des murs, sur les trottoirs, sur les places, dans les camions, partout, il y aura des initiatives que nous tentons simplement d'aider en donnant parfois un espace ou simplement un peu d'argent ou du matériel ou des idées, etc. Et alors, Marie, tu l'as dit, c'est la semaine, ça se passe en mars, mais la Ville des Mots commence bien avant ça, parce que je pense que, notamment à la Maison du Livre, il y a des ateliers bien avant ça, dès février, je pense, autour des mots. Oui, voilà. Alors évidemment, pour que tout ça explose au mois de mars, pendant la semaine de la langue française, il faut bien sûr que des productions se fassent. Et donc, il y a des ateliers d'écriture, il y a des ateliers de relure, il y a des ateliers de fabrication de sonorités, il y a de la mise en boîte de phrases, de mots, de messages. Et bien sûr, il n'y a pas qu'à la Maison du Livre que tout ça se prépare. Ça se prépare aussi dans les assos, dans les écoles, dans les bibliothèques, dans, qu'est-ce que j'oublie, moi, au centre culturel, un peu partout. Le collectif Alpha, les cours d'alphabétisation en général dans les associations sont très mobilisés, rentrent en partenariat avec d'autres porteurs de projets saint-gillois, par exemple la chorale ou l'académie, effectivement. Et c'est un peu l'intérêt de cette Ville des Mots, c'est que les gens se croisent et construisent ensemble autour d'une même envie, c'est le plaisir de partager les mots. Et une petite spécificité, c'est que une fois n'est pas coutume, et ça a beaucoup de sens pour nous, les copilotes, à Saint-Gilles, dans une commune qui est métissée, et dans un contexte aussi politique où il est bon de rappeler qu'il n'y a pas une seule culture dominante, une seule langue dominante, et qu'on s'enrichit chacun les uns les autres. La thématique 2015 sera le partenariat entre les langues, qui est illustré par un slogan qui s'appelle « Dis-moi, dix mots que tu accueilles ». Et évidemment, ça a un sens assez fort ici à Saint-Gilles et partout, bien sûr, mais en tout cas, on est heureux de le porter en particulier. Et ça, c'est une thématique et un slogan qui sont communs d'ailleurs à l'international, à tous les pays qui font partie de l'organisation de la francophonie. Et donc, c'est aussi ça qui est chouette. C'est tout mettre en commun, les langues, mais aussi les partenaires. Ouais. Et puis, peut-être que... Oui, juste avant que tu continues, Joël, peut-être justement dire ces 10 mots qui sont empruntés, qui sont dans le langage français, mais empruntés à d'autres langues. Oui, bah, je propose peut-être un petit jeu aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent sur la place. Je vais dire les 10 mots et je vous laisse deviner leur origine, puisqu'ils ont tous pour point commun d'être empruntés à des langues qui ne sont pas le français à la base. Bah, c'est peut-être plus simple que tu répondes parce qu'il n'y a pas grand monde qui va répondre. Alors on va rester un peu dans l'interrogation. Il faut quand même dire qui pleut à torrent là. Sinon, il y aurait du monde. Ah, mais ça, oui, mais on s'entraîne pour le beau temps, en fait. Hein. On se met au point, quoi. Ouais. C'est ça. Alors, le premier mot, c'est bravo, qui vient donc de l'italien. Ensuite, ciblé, qui vient de cible, qui vient du suisse alémanique. Inuit, qui vient de l'inuit, c'est très dur à dire, surtout quand on est dyslexique. Donc, c'est la langue inuit. Gris-gris, qui est d'origine inconnue, mais qui est utilisé en Afrique et dans les Antilles. Kermesse, qui vient du flamand. Gris-gris. Kitsch, qui vient de l'allemand. Sérendipité, qui vient de l'anglais, et dont je vous laisse taper sur Internet ce mot pour trouver son sens, qui n'est pas toujours bien connu. Vous le trouverez peut-être par hasard, ça sera déjà un acte de sérendipité. Amalgame, qui vient de l'arabe. Wiki, qui vient de l'hawaïen. Et zénitude, qui vient de zen en japonais. Ouais, mais ça, je le savais. Hein. Facile. Joël, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. Je voulais juste dire qu'une autre spécificité, mais ça se renforce, c'est que pour une fois, la langue qui est à l'honneur, ce n'est pas la langue pointue, la langue propre sur elle, la langue académique, qui est une très belle langue, hein, c'est pas ça que je veux dire, il n'y a pas à comparer. Mais que pour une fois, tout le monde peut jouer avec la langue, même ceux qui la pratiquent à peine, même ceux qui ne savent pas comment l'écrire, même ceux qui ne disposent que de quelques mots, mais qui ont envie de les utiliser et de les projeter dans l'espace public. La langue appartient vraiment à tout le monde, elle n'appartient pas à ceux qui ont eu l'occasion d'aller à l'école, de faire des études, d'aboutir à tout un cursus. Elle appartient à ceux qui ne lisent pas aussi, qui auraient envie de lire mais qui ne lisent pas encore. Elle appartient aux dyslexiques, elle appartient à tous les A quelque chose, elle appartient à ceux qui d'habitude n'ont pas l'occasion de dire leurs émotions avec, tout simplement. Donc vraiment l'idée de jouer avec les mots et de s'approprier cette langue, voilà. Peu importe son niveau. Ouais. Edwaydi, par exemple, toi, comment tu te l'appropries cette langue? Donc dans le cadre de Ville des mots, on a proposé de transformer notre machine à créer, qu'on a créée au mois de septembre, en baraque à mots. Et alors elle va un peu sillonner la commune et on va proposer aux gens... des performances et des interventions où ils pourront prendre la parole ou venir demander comment on écrit un poème, scander un poème. Il y aura aussi des jeux. Orlando en a préparé quelques-uns. Il faudra mieux en parler que moi. Yeah. Je crois, ouais. Mais ici, c'est aussi un peu comme le disait Joël, c'est qu'on va permettre à tout le monde de parler, d'essayer d'utiliser... la langue comme il peut, et pourquoi pas d'en plus inventer peut-être des mots. Et c'est ça aussi le jeu en fait que moi j'ai inventé pour essayer donc de faire parler les gens. Et donc le but sera de mettre des lettres sur un genre de damier, un peu comme un Scrabble, mais ici ce sera un Scrabouille. Et en fait, il y aura des règles un peu spécifiques et il n'y aura pas de vraiment non plus des règles trop poussées ou trop discriminantes, si je peux dire. Les gens auront le loisir de pouvoir écrire comme ils veulent et d'inventer des significations aux mots qu'ils trouveront. Donc Et en plus, derrière tout ça, on aura, il y aura comme des petits concours, un petit jeu qui permettra de pouvoir remporter une petite œuvre ou un petit poème à écrire. Enfin, il y aura plein de surprises quant à savoir si les récompenses ou le but du jeu. Il y aura plein de petites surprises par rapport à ça. Il pleut sur le micro là, ça. Il pleut partout. On est dans la camionnette, hein. On est dans le camion, on est censé être. Bon, on est quand même à l'abri pour l'essentiel. Non, mais il pleut dedans. Mais la table est mouillée. Parle pour toi. Toi, tu vas t'en remettre très vite, tu sais. Non, c'est pas grave. C'est pas comme s'il était chanteur. Ah, voilà. Et parlant de ça, est-ce que la musique va prendre une part dans ce que vous proposez? Bah donc le 14 mars, on va aussi montrer des œuvres qui seront réunies pour une exposition au Centre culturel Jacques Franck. Et là, on lancera nos performances. Et bien sûr, il y a de la musique qui vient. Mais on est mobile et sans électricité, donc c'est de la musique très acoustique, très percussive et voilà. On va fermer la porte parce qu'il pleut un peu trop. Il y a le bof, ça va vous parler dans le chemin. Franchement, moi ça me dérange pas. Hein. T'es tout mouillé. T'as bien la pluie. Bah ouais, je suis. Bah, t'es au mieux alors. T'es content là. T'es content. C'est comme ça. Comme ça, ça fait pas aussi un truc bizarre quoi. C'est Warrior en fait. Si on ferme la porte, ça va faire. C'est vrai qu'il faut dire qu'on est dans des conditions extrêmes quand même pour tous les auditeurs de Radio Campus qui nous écoutent au show. Là, on est. Extrême, extrême. Bah ouais, il y a des gens bizarres qui nous regardent en plus. Vous êtes venu avec des instruments un petit peu étranges. Peut-être qu'on pourrait faire un petit interlude musical sous fond de Drash, si vous voulez, messieurs, c'est à vous. Peut-être. C'est votre moment. D'accord. On prend. Vas-y, fais. Moi, je prends peut-être un micro là. Non, mais je suis gêné en fait. Ouais, t'es gêné, t'es timide. Je suis timide. Attends. Non, moi, je suis timide. On prend celui-là là. Moins de manœuvres possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? La numéro 2 de l'album. Ok, d'accord. Ah, mais on n'a jamais fait un album ensemble. Non, alors on fait la 3. D'accord. Alors c'est Ouais. J'en ai marre des mers trop calmes, en avant toutes larguer les amarres. Faut que je parte, avec mon trois quarts trois fois plus grand que moi. J'ai l'air d'un épouvantail, et je vole. J'en ai marre des mers trop calmes. Allez, larguer les amarres, faut que je parte. En sachant qu'il n'y a pas d'aller sans retour, ni rature ou détour. Je dis à l'aise, ouais, à l'aise. Et je m'en fous. Alors je jette les dés sur mon identité. Je vous dis qu'ils sont pipés. Ne me parlez pas de destinée. J'ai plus souffert à être paumé qu'à être bronzé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les racistes ne m'ont jamais effrayé. Je n'ai pas de bagage, moi. C'est ici que je suis né. Dans une voie de garage. Je me rappelle, il y avait la drache. Je me suis égaré. La gorge nouée. Les dents serrées. Les yeux de Mama Jouba me disaient « Souris. Souris, petit. Souris à cette vie. » Elle te sourira. Bravo! Apparemment, le parvis de Saint-Gilles a à apprécier la prestation. C'était Ed Whitey pour les mots et Orlando Quintero pour le son d'un un drôle d'instrument qui est finalement un didgeridoo, donc quelque chose qu'on connaît assez, mais cette fois-ci qui se la joue un peu escargot, quoi. Il est complètement recroquevillé. Ouais, c'est marrant parce que j'avais déjà parlé de ça à l'émission l'autre fois, c'est marrant. Donc je vais réitérer pour ceux qui peut-être n'étaient pas là. Ouais, c'est un instrument que j'ai acquis via un artisan qui en fait achète des instruments, il voyage dans le monde et donc celui-ci c'est un didgeridoo un peu spécial parce qu'en fait oui il est roulé sur lui-même, transportable. Ouais, je peux le mettre dans la poche de mon pantalon, la plus petite poche là où on met les petits trucs et ouais, donc c'est un bois assez intéressant parce que c'est un bois indonésien et donc du coup il y a une pureté, il y a un son, une réverb qui se passe à l'intérieur qui est assez efficace. Et donc voilà, j'aime bien cet instrument et ouais, c'est pratique à emmener en voyage. Merci les gars. Dominique, tu es resté assez silencieux depuis le début de l'émission. Oui, moi la chose que j'ai de très très intéressante à dire, qui va beaucoup intéresser les auditeurs, c'est que je suis complètement allergique au didgeridoo. Ah. Et donc on a la preuve par A plus B ici qu'on est dans un mélange de culture et de genre et que j'étais très content d'entendre ça d'aussi près, malgré... Malgré tout allergie. Ce que je t'en pensais, oui, voilà. C'est vrai que vous avez des boutons là. T'as vu ça, tu vois que ça pousse comme ça. Mais après, c'est, voilà. C'est une allergie. C'est le son, il y a vraiment quelque chose du son qui me. Depuis toujours. Ce son-là ne c'est vous moi, parle hein, pas, voilà. Quoi. Mais après, voilà, chacun a sa place. Hein. Et ici, comment tu l'as ressenti? Très bien, j'étais content, c'est ça que je dis, hein. J'étais content d'y être confronté d'aussi près et de voir qu'il y a des modèles transportables en plus. Mais, donc voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant pour les auditeurs. Mais si on a mis à l'honneur un des voilà, mots. Bah oui, donc. Ça dépend de celui qui souffre derrière aussi. Hein. Il y a peut-être qu'ils ont pas bonne haleine, il y a peut-être de ça non, aussi. Non, ça n'a rien à voir avec l'odeur, c'est vraiment le son. Hein. J'ai eu l'occasion d'écouter des concerts de bol tibétain, et de temps en temps, il y a des sons qui viennent vraiment qui sont presque dérangeants. Quoi, et le didgeridoo en particulier, mais non, peut-être qu'il faut encore quelques années. Voilà, il y a des choses que je ne supportais pas avant, que je supporte mieux maintenant, et vice-versa. Donc. C'est chouette. En tout cas, moi, je trouve que ça met à l'honneur un des 10 mots, qui est le mot amalgame. Là, il y a un vrai amalgame de culture. Oui, complètement. Hein. C'est bien à ça que je voulais faire référence aussi, c'est qu'on ville des mots va nous mélanger tous, aussi différents qu'on puisse être, quoi, tous autour des mots. Quoi. Et est-ce qu'il y a des projets dans Ville des mots qui te parlent particulièrement? Moi, ce qui me parle en particulier, c'est plutôt l'esprit festif de Ville des Mots. On va avoir une bonne semaine d'activités multiples dans Toussaint-Gilles. Des mots accrochés au plafond, des mots qui sortent de terre, des mots qui sortent des poches des gens, des petits mots, des gros mots, des gentils mots, des mots doux, des vilains mots. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse plus, c'est l'aspect festif. Et c'est ce que je vais essayer de traduire pour le public. Quoi. C'est un peu mon rôle, c'est de garder l'esprit de la fête dans tout ça. Quoi. Je crois que le message est bien passé. Jouer avec les mots, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Après, les jeux de mots, ça c'est effectivement... s'il faut aller me chercher moi à l'intérieur, les jeux de mots, je suis très, très, très pour les jeux de mots. Quoi. Marie, on parlait de... Toi, tu as coordonné le projet Ville des mots. On parlait de plus de 130 propositions. Comment on fait pour... déjà, c'est beau de voir cet engouement et cet enthousiasme par rapport aux mots. Comment on fait pour sélectionner autant de propositions? Je m'adresse à toi, à Joël. Ne vous battez pas pour répondre. Eh bien, on va répondre à deux, comme ça on se battra pas. Ce sera bien dans l'esprit Ville des mots. On fait ensemble, on fait pas chacun l'un contre l'autre. Eh bien, ça a été un processus assez long malgré tout, puisqu'on a veillé vraiment à fonctionner de façon démocratique. Et donc, ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est qu'il faut que tout le monde s'exprime. Et puis après, il faut en faire la synthèse. Donc, nous sommes toujours d'ailleurs quatre institutions, comme l'a expliqué Joël. Nous sommes des copilotes, donc on fait tout ensemble, ou presque. Hein. Et on a pris également les décisions ensemble à la majorité absolue. À chaque fois, on y est arrivé. Ouais. Et donc, ce sont 70 projets et quelques surprises qui ont toutes fait plus que consensus, qui nous ont emballés. Et on a privilégié la convivialité, le respect de l'environnement, le fait que ce soit porté par des gens ou des associations qui sont peu représentées ou peu soutenues habituellement, des gens qui soit ont un ancrage local fort, soit une grande envie d'investir les rues de Saint-Gilles. Je te laisse poursuivre, Joël, peut-être. Oui, peut-être dire que... Enfin, juste un peu... relativiser l'unanimité, on n'a pas vraiment procédé, on n'attendait pas de nous-mêmes d'être unanimistes, et donc on a beaucoup débattu aussi. Voilà, c'était plus la majorité qu'on a recherchée, c'est-à-dire que d'abord tous les membres de toutes les équipes ont lu, au sein des équipes les gens ont voté pour des projets, et puis une personne par équipe a rapporté cela, le choix déjà au sein de l'équipe. Le choix du débat en équipe l'a rapporté au comité de pilotage. Et alors, on avait décidé que, bien évidemment, tous les projets à l'unanimité passaient sans discussion. Et puis, on a peu discuté, des projets qui remportaient 3 voix sur les 4. Et puis, on a commencé à discuter fermement des projets pour lesquels il y avait 2 pour, 2 contre. Et là, on a renvoyé nos questions vers les porteurs de projets en leur demandant de clarifier. Ou bien parfois, tout simplement, en leur disant « on n'a pas un budget pareil, on aimerait bien, mais on n'a pas. Et donc, est-ce qu'il y a des alternatives à ce projet? Est-ce que vous pouvez le faire à moindre coût, à moindre frais, plus modestement ?» Et puis parfois, il y a des projets qu'on a adorés, mais qu'on a dû refuser parce qu'on n'avait pas les moyens. Mmh. Et alors, on s'était donné une espèce de processus un peu de sécurité. Madame, il y a Salim qui me perturbe, il écrit des trucs sur l'humidité de la vitre, j'essaye de déchiffrer, mais il écrit à l'envers. Radio. Voilà, radio no. Il radio, camion, voilà. Des mots. Oui, voilà. Et en fait, on s'était donné une charte au début pour avoir des critères objectifs, enfin des critères peut-être parfois subjectifs, mais on a objectivé ces critères en les écrivant, pour ne pas se laisser dépasser parfois par... Des coups de cœur pour des personnes ou pour des projets. On a vraiment veillé à les rapporter à notre grille de critères pour être le plus juste possible. On a aussi veillé à certains enjeux qu'on avait déterminés de manière globale pour trouver un équilibre en fait, entre tous les projets et atteindre certains objectifs comme le fait de lier le haut et le bas de Saint-Gilles, mais aussi... de créer des partenariats entre des gens qui n'auraient peut-être pas pensé à s'associer et qui, nous, à la lecture de leurs différentes propositions, nous semblaient intéressantes à mettre en contact. Et on... Juste, je t'arrête oui 2 secondes, Marie. Justement, par rapport à cette problématique de lier le haut et le bas de Saint-Gilles, qui est vraiment très intéressante, parce que c'est spécifique à Saint-Gilles, cette disparité entre le bas, tout le quartier de la gare du Midi, le milieu, on pourrait dire, là où on se trouve, le parvis de Saint-Gilles, et plus haut, vers la place Van Meenen. Et c'est une belle idée de vouloir lier ça. Une belle idée sur le papier, en pratique, quelles sont les idées qu'on vous a proposées par rapport à ça? En pratique, j'ai envie de te relancer la balle tout de suite, puisque tu représentes l'un des projets qui s'appelle Inuit Inouï, et qui est un bon exemple de comment ça peut se concrétiser, puisque vous allez justement faire une sorte de micro-trottoir un peu ludique pour une récolte de mots inventés, si j'ai bien compris, qui justement va toucher 3 espaces et du coup réunir différentes facettes de ce que ça peut être un Saint-Gillois selon l'endroit de la commune où il se trouve. Est-ce que tu veux en dire un mot? Peut-être, c'est un peu dur la brûle pour point, je pensais pas en parler, mais c'est vrai que moi, cette problématique, même si j'aime pas ce mot problématique, mais de haut et bas de Saint-Gilles, je la trouve très très forte, représentée par les marchés. J'adore les marchés, j'adore l'ambiance qu'il y a dans les marchés, et c'est vrai qu'il y a une ambiance très très différente entre le marché du Midi le dimanche matin, le marché de la place Van Meenen le lundi soir, et le marché du parvis de Saint-Gilles qui est tous les jours plutôt le matin et l'après-midi le jeudi. Et voilà, et on croise pas les mêmes gens, les vendeurs ne sont pas les mêmes, ou alors ils sont les mêmes mais avec des prix différents. C'est très très particulier, et c'est ça aussi que voilà, pour notre projet de langue inouïe, où on va pareil un peu comme comme vous, fabriquer des mots, puisque la langue inouïe a, par exemple, 40 façons différentes de dire la neige. Et ben nous, on va trouver 40 façons différentes de dire la drache. Et vu ce qui tombe aujourd'hui, je pense que ça va nous inspirer. Et voilà, et l'idée, c'est de faire le pont entre ces trois marchés, parce que pour nous, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment ça, Saint-Gilles, c'est vraiment une disparité, sociale et culturelle très importante. Et c'est ça qu'on aime dans cette ville des mots. C'est beau, ça, la disparité. Il y a le mot disparu, pourtant ça n'a rien à voir avec le mot de disparité. Mais je voulais dire aussi par rapport aux disparités, au haut et au bas de Saint-Gilles, finalement il y a un paradoxe qui est que c'est un beau projet dont j'ai envie de parler. C'est dans le haut de Saint-Gilles, il y a la prison. On peut pas dire que ce soit les gens les plus huppés qui se trouvent en prison. Il y a un projet qui est porté par le service d'aide aux justiciables, qui organise des ateliers d'écriture en prison et hors prison, et qui invite des détenus à travailler sur la signification qu'ils donnent à certains mots. Et puis les mêmes mots seront travaillés par ceux qui le souhaitent. Hein. L'atelier est tout à fait ouvert et tous les auditeurs peuvent contacter pour s'inscrire à cet atelier. De travailler sur les mêmes mots, sans que les deux groupes n'aient d'idées préconçues par rapport à ce que les notions qui seront travaillées peuvent revêtir. Et après, il y aura une exposition et aussi une captation sonore et visuelle. Et on pourra voir comme ça une rencontre entre les préjugés. De toute façon, tout ce qu'on met dans les mots, c'est toujours des préjugés, et puis ils se rencontrent et c'est complet. Et voilà. Et donc nous sommes, je rappelle un peu, pour faire une petite respiration, les amis. C'est pas possible. Eh bien, c'est une petite nous aussi, monsieur. Respiration musicale. Je mets de la musique. Un micro pour monsieur ? Je n'aime les mêmes dieux. Un micro pour monsieur ? Monsieur, dites-le dans le micro. C'est beau ce que vous dites. Non, non, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas très intelligent. Non, non plus. Je suis un... Mais nous non plus. On parle dans un micro, on a la chance d'avoir des personnes qui nous écoutent. Mais je crois qu'il a la chance de vivre dans un pays qui a encore cet principe. Et il respecte les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et même les non-croyances. Parce qu'il faut les respecter. Eh bien, dans cette camionnette, il y a au moins une juive. Oh, je ne sais pas s'il y a des musulmans, je ne sais pas s'il y a des bouddhistes, je ne sais pas s'il y a des chrétiens, mais en tout cas, on s'en fout et on s'aime. Mais vous savez, de toute façon, voilà, les bouddhistes... Quoi qu'on soit. Je suis pour les oiseaux. Voilà. Par qui ? Pour les oiseaux. Oh, waouh ! Oui. Là, ça s'appelle de l'orthologie. Ouais. Et pas internet, moi. Hein. Je suis pas... Et si tu aimes trop les oiseaux, c'est de l'orthomologisme. Ou de la zoophilie, elle a raison, hein, Marie. Fais gaffe. On va un petit peu expliquer ce qui se passe. Parce que... Attendez, monsieur, on va essayer un petit peu d'expliquer parce qu'on est en radio, donc on ne voit pas. C'est un souci. On ne voit pas. Et donc on est dans la radio camion enfermée. Un monsieur est venu frapper à la fenêtre pour demander de causer. Et donc on discute avec ce monsieur. Hein, monsieur ? Vous dites ? José Ángel Rodríguez Fernández. Enchanté, monsieur. Et donc, moi, je pensais mettre une petite pause musicale pour respirer un peu et regarder un peu où on va, quoi. J'envoie de la musique. Super. Mais espagnol de race ? De race ? Asturien. D'origine. On va chercher les origines. Bon, ben moi, je vais y aller. Il m'excuse de vous déranger. Parce qu'il pleut dans la camionnette. Voilà. Ça marche ? Là, c'est super. Ok, on change de micro. C'est bizarre que ça marchait, ça marche plus. Donc voilà, on se retrouve ici en direct du parvis de Saint-Gilles, en lien avec la Brasserie de l'Union et nos amis Ville Démo 2015. Et donc, on va tout doucement... Il y a vous aussi, excusez-moi. Rappelez vos noms. Roland de Quintero. Edouardi. Voilà, bienvenue. Et on arrive tout doucement aussi à la fin parce qu'il y a d'autres invités qui vont arriver. Et donc, Ville Démo, ben, je vous laisse un peu les mots de la fin. J'ai envie de rebondir sur l'intervention du monsieur juste avant pour dire que c'est un peu ça finalement l'esprit Ville Démo. C'est ben, quand on se place dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Comment on se réapproprie tous notre langue une identité multiple et finalement notre espace de vie au quotidien. Donc dans la rue, dans les lieux culturels que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, vous êtes tous invités à la fête du 14 au 22 mars. Et dès maintenant, pour les ateliers qui commencent à partir du 17 janvier, il y en a pour tous les goûts. Et on vous propose de trouver toutes les informations sur notre blog qui est un peu long. Je vous laisse le temps de prendre un crayon. Alors c'est www.stgilles.com. stgilles.villedemo.wordpress.com. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Dominique et son esprit pratique. Le truc un peu facile comme ça, c'est genre taper une fois sur Facebook Ville Démo et vous allez trouver tout de suite plein d'informations. On a déjà communiqué un tas de choses, un tas de projets qui commencent déjà à se mettre en route. Et donc, il y a déjà moyen d'obtenir des informations via Facebook. Il y a évidemment le blog Ville Démo. Tapez Ville Démo sur Google et vous en saurez beaucoup, beaucoup plus. C'est bien du 14 au 22 mars et on vous prépare ça comme des chefs. Oui, merci bien, c'est gentil. Et donc, toi, t'es vexé parce que j'ai dit bienvenue alors qu'on est déjà à trois quarts d'heure de l'émission. Explique. Je veux bien rester, mais le problème, c'est que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais tu nous dis bienvenue à vous, mais on est là. Oui, mais c'est parce qu'en radio, on ne voit pas. Donc je suis là, je parle de Ville des Mots, des gens qui sont là, mais vous, on vous voit pas, donc je fais re-bienvenue alors, ça va ? Bonjour, bienvenue alors. Re-bienvenue. Non mais excusez, c'est un petit peu le chaos en fait dans la Camio, surtout quand on organise une émission comme ça, le streaming, les micros, les amplis, les enceintes dehors qui sont mouillées, enfin voilà, il faut un peu gérer. Oui, surtout lui qui est bizarre, qui n'aime pas le didgeridoo. C'était pour rire, détendez-vous. Moi aussi, j'aime pas le piano. Non, moi aussi, j'aime bien le didgeridoo et j'aime bien le piano. Mais donc voilà, Leslie, qu'est-ce que tu aurais aussi à nous annoncer pour la suite et pour la fin de cet agenda, mais qui va continuer autrement ? Eh ben, c'est ça, parce que c'était le dernier mot de Ville des Mots, mais loin d'être le dernier mot de l'émission, puisqu'on attend Antoine Bout, qui est poète, slameur et bien plus encore, qui nous a préparé un petit texte qui est en train de se prendre une bière à la brasserie de l'Union et qui arrive dans quelques instants. Et là, qui toque à la porte, on a, mais bien sûr, voilà, la magie du direct, on a... C'est où la bière ? C'est pas grave. Donc voilà, les uns partent, les autres arrivent. Donc on a Aldwin Raoul, qui est un des cofondateurs de Papier Machine. Et donc une revue dont il va nous parler un peu plus tard et qui nous lira sûrement un petit bout de mots en direct. On aura aussi, s'ils arrivent, je ne les ai pas encore vus dans le coin, mais c'est un peu dur de voir quoi que ce soit avec la buée. On aura aussi sûrement le duo Sages comme des sauvages, Ava Carrère et Ismaël Colombani. On va voir s'ils n'ont pas eu trop peur de la pluie et s'ils vont venir nous inonder les oreilles de leurs jolis mots. Moi, je suis désolée, je suis absolument rien du tout. Mais tu es Antoine ? Non, Aldo. Ok, je te laisse gérer le bazar parce que je... Mais peut-être qu'on peut une pause musicale peut-être. Voilà, en attendant que tout le monde se replace convenablement, on vous dit merci les gars, Edwidy. Bienvenue. Ciao. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ton CD ? C'est le moment. Si parce que t'es venu avec, il est trempé, mais il est encore écoutable. Non, mais il faut l'écouter. Et voilà. Voilà. On le diffusera à Radio Campus. Hein. Un petit mot encore juste pour préciser que Orlando et Edwidy font partie d'un collectif qui s'appelle Spoken World avec Younes et Samuel. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils proposent toutes leurs activités avec les MOMAD et la Baraque à mots. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Salut, merci. Salut. parti, Leslie. On continue. On est en onde toujours sur le 92.1 Radio Campus et en streaming sur radiocampus.be. C'était la fin de l'agenda culturel, mais on enchaîne avec encore plein de culture, plein de mots, puisque Ville des mots est partout. On est à Saint-Gilles, on s'engueule dans les studios. Et voilà, en face de la brasserie de l'Union. Alors encore beaucoup de gens en studio avec nous. Aldouine Raoul de Papier Machine qui attend son acolyte Valentine Bonomo qui devrait finir son service et nous rejoindre. Voilà. De bière, il en était question il y a peu puisque Antoine, tu étais à la brasserie de l'Union et tu es ici maintenant requinqué. On a tout dit, hein. On dit tout ici. On a dit que tu avais pris une bière pour avant de nous livrer ton texte. Oui. Elle était bien ? Oui. C'était quoi ? Je sais pas. Alors, une 33 comme ça. Une 33 obscure. Voilà. Et on a aussi avec nous les sauvages, sages comme des sauvages, Ava Carrère et Ismaël Colombani qui sont tous serrés, qui sont sages pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Pas trop fâché, déçu de la pluie, tout ça. Vous êtes quand même content d'être là. Fâché de la pluie, on s'en sortirait pas quand même. Ah bah tu pourrais, hein. C'est vrai. Au moins, à défaut d'être fâché sur moi, tu serais fâché sur la pluie, quoi. C'est déjà c'est plus. Voilà. Ça va ? Non, ça va, tout va bien. Et puis tu sais qu'il y a des gens que le temps met de mauvaise humeur ? C'est vrai. Ah. Le temps, il y en a qui ça rend de bonne humeur. Lengoul, il paraît que ça met de bonne humeur. C'est chouette ça. Je suis contente pour lui. On est tous plutôt de bonne humeur, hein ? Hein ? Hein, Gérald ? Ouais, Gérald est très bonne humeur. Gérald qui nous aide bien à la technique. Heureusement que Gérald est là dans cette camionnette. Et voilà, parce que c'est en tout cas c'est une première pour la plupart de nous qui sommes là. Donc voilà, tout le monde est réuni et on va encore parler de mots. Et alors là, je vais lancer personne en particulier et tout le monde au hasard. C'est-à-dire que qui veut il va prendre le micro, c'est ça un peu le concept, hein. C'est aussi du micro ouvert. Donc, S'ils sont ouverts. S'ils sont ouverts. Qui prend le micro Moi j'ai une blague. Bah, allons-y, ça va détendre l'atmosphère et désembuer les vitres. Et donc c'est un type, l'été, un matin, et il est dans son lit. Il est dans son lit avec sa madame, dans leur chambre, située dans le toit d'une maison, au bord d'une forêt. Il fait beau, c'est un beau matin d'été qui commence, et le type se réveille. La raison de son réveil est qu'un vrombissement particulier enveloppe l'endroit. Un petit avion à hélice survole et survole encore la forêt qui pousse juste derrière la maison dans laquelle dort le type de la blague. Le type se dit « Putain de vrombissement ! J'adore cette fréquence sonore particulière, toute particulière, c'est un son parfait ce truc. Un truc total, on dirait un ventre, on dirait avec ce vrombissement qu'on met dans un ventre, qu'on vibre de concert avec un ventre géant de la taille d'une forêt. » Il ferme les yeux. Et entre dans un trip. Un trip provoqué par les vibrations presque électriques qui viennent du ciel et font trembler. L'électricité, c'est... Connexion synaptique de façon toute particulière. Il fait chaud, c'est l'été, la fenêtre est ouverte, une légère brise pénètre dans la chambre du toit et le type entre en transe. « Oh mon Dieu, quel bonheur !» se dit-il d'ailleurs, et il a raison, car toute cette chaleur douce, sa madame qui dort toute belle à côté de lui, le vent chaud qui entre dans la chambre et apporte les bonnes odeurs de la forêt, le son doux et chaud de l'avion qui continue de vrombir pas loin, toute cette chaleur douce a en effet un côté quasi mystique. Et le type est en transe et ça lui fait un bien fou. Et il sait pas combien de temps sa transe dure, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle dure un bon bout de temps, tout le long temps que met le petit avion à hélice pour parcourir méthodiquement toute la forêt, de long en large, on se demande pourquoi, comme une tondeuse à gazon qui s'arrêterait de vrombir qu'une fois toute la pelouse liquidée. Or, ce type, dans sa transe, sort de son lit, comme hypnotisé par le son de l'avion, il s'habille vaguement, sort de chez lui et pénètre dans la forêt. Dans la forêt, il y a de l'ambiance. C'est l'été, mais il neige. D'énormes flocons blancs virevoltent partout, restent accrochés dans les branches, tombent au sol ou alors dans l'étang qui fait sa vie là parmi les arbres. Le type s'approche des flocons et se rend rapidement compte qu'il s'agit en fait de tracts. De tracts bizarres balancés depuis le petit avion à hélice qui balaye méticuleusement la forêt depuis des heures. Ce qui est écrit sur les tracts n'est pas pour diminuer la transe du type, bien au contraire. Alors là, dans la blague, qui est une blague qui est sous forme de livre, eh bien j'ai reproduit les tracts et c'est une écriture complètement défoncée, comme ceux qui sont là peuvent le voir, vous voyez. Et moi je vais traduire parce que je sais lire, parce que donc il faut faire des enfants, est écrit sur les tracts, plein d'enfants. Dans la vie, il n'y a rien d'autre de sensé à faire que de faire des enfants. La vie, c'est la menace permanente de l'apocalypse. Et c'est pour ça qu'il faut faire des enfants, beaucoup trop d'enfants, car oui, les enfants, c'est la fête, la grande fête de l'apocalypse du vivant. Oui, la grand désastre rigolo et tragique de l'enfance répond au désastre chiant de la vie. Il faut du coup absolument faire plein d'enfants, beaucoup trop. Il faut que ça pète de l'enfance partout. C'est la biologie qui doit gagner. « Je crois en la biologie, moi, monsieur !» dit le tract, etc. « L'enfance, la voilà, etc. » Ce n'est pas une ode à la vie, non, c'est une ode au chaos, très important. C'est du punkisme biologique. Ce ne sont pas tant les punks qui sont punks, non, c'est la biologie qui est punk. C'est la reproduction du vivant qui est punk. Tout bonnement, la vie, c'est du luxe, et il faut faire des enfants, quitte après à les enterrer. C'est triste à dire, mais mieux vaut un enfant mort que pas d'enfant du tout. C'est triste à dire, mais quelle sinistrose totale s'il n'y avait pas les petits punks de l'existence qui viennent foutre du bordel avec très très peu de philosophie. C'est triste à dire, mais sans les enfants, on s'ennuie comme des rats morts. Alors voilà, le type dans la blague se trouve maintenant juste face à l'étang qui troue la forêt où il se tape son délire. Il voit cet étang à l'eau noire, vaseuse, gorgée de carpes et de pourriture, et se dit, dans un coin de son cerveau non attaqué par la transe, il se dit... Incroyable, ces feuilles blanches, des tracts qui virevoltent et tombent depuis le ciel, toutes pures et propres dans l'eau de cet étang. En plus, avec cette écriture défoncée qui les barbouille, ça donne vraiment bien. On dirait une forme de fécondation cosmique. Des semences lettres qui pénètrent dans la noirceur profonde de l'étang. My God, comme c'est beau. En plus, il fait hyper chaud ici. J'adore, je suis en transe, j'adore. Je voudrais que cet instant magique ne s'arrête jamais. Alors, dans la blague, le type reste comme ça, accroupi au bord de l'étang. Bon, pardon, c'est une blague un peu longue. Elle va durer pas mal de temps, et vous verrez, sa longueur vraiment partie du jeu, pas d'inquiétude. Le type est accroupi face à l'étang, hypnotisé par la chute des tracts dans l'eau noire, hypnotisé par l'étang fécondé, et comme happé par celui-ci. Alors, on le voit, imperceptiblement, basculer, lentement, lentement, appelé, aimanté par la noirceur maculée de blanc et de lettres, puis, soudain, le point d'équilibre est franchi et il tombe dans la soupe. Le contact avec l'eau tiède est tout à fait agréable. Des algues, des carpes et quelques tortues lui caressent les pieds de temps en temps. La transe continue, mais change de mode. À force de nager, elle devient énergique, sportive. Il nage à travers la couche de tract, il lit comme il peut, et ça prend des plombes à cause de la transe, des mouvements de sa nage et toute cette vase qui colle à ses pieds. Mais il finit par comprendre le message, l'intention, l'objectif de cette tract. Alors le mec se dit Hé, mais j'y crois moi à ce qui est écrit là. Mais oui, bien sûr qu'il faut faire des enfants. Bien sûr qu'il faut enfoncer plein d'enfants dans l'existence. Même et surtout si c'est le bordel sur Terre. dans la blague, on voit comme ça gueuler au milieu de la pourriture de l'étang dans la forêt. Il gueule en direction de l'avion qui patrouille dans le ciel. J'y crois! À mort! Merci! C'est l'évidence! En avant pour la fécondation massive! En avant pour le punkisme biologique! Et il hurle plein de trucs dans ce goût-là. Et ça a le don de réveiller les grenouilles, les poules d'eau et les canards qui zonent dans la place. Un concert généralisé s'installe en moins d'une minute. Une jam géante, un bœuf bien cacophonique. On ne peut plus tout public d'ailleurs, puisque interespèce. Alors, évidemment, sur ces entrefaites, tout le monde s'en doute, eh bien, son amoureuse, qui dormait toute belle dans leur lit en haut de leur maison, se réveille et décide d'aller faire un jogging dans la forêt. En effet, madame, dans la blague, est une sportive de haut niveau, une jeune femme extrêmement énergique, extrêmement belle, extrêmement saine, extrêmement intelligente, droite et rigoureuse, ce qui, entre parenthèses, amuse beaucoup monsieur, son amoureux. Hop, hop, hop, elle court, elle finit par-delà les bruits de l'avion et de sa respiration sportive, par entendre les cris du mec dans l'eau. Hop, hop, hop, elle se pointe au bord de l'étang, toute sportive, intelligente et motivée, elle jogue sur les tracts qui barbouillent le sol et la boue. Elle jogue sur place au bord de l'étang, elle jogue sur place et demande à son chéri chouchou ce qu'il fout là, dans l'étang, à gueuler comme un con. Et lui, il répond « Hé, viens! Viens, rejoins-moi! Tu vas pas le regretter, darling! Enlève tes vêtements et viens! Viens voir! Et écoute l'avion aussi! Écoute ce putain de vrombissement pendant que t'enlèves tes vêtements et que tu nages! Tu le regretteras pas! Et tant que t'y es, lis les tracts dessus! My God, il se passe un truc là! Je te jure, il se passe un truc! » Bon, elle, ça l'arrange pas trop, ce trip délirant, puisqu'il faut qu'elle s'entraîne. Mais son amoureux insiste tellement qu'elle finit par se dire « Pourquoi pas ?» Après tout, nager, c'est de l'entraînement aussi, n'est-ce pas? En plus, l'eau de cet étang a quelque chose d'érotique, je trouve. Il me montre des désirs, tiens, soudain. Les grenouilles buguent par centaines. Les canards et les poules d'eau aussi. L'avion vrombit et les tracts tombent. Ambiance parfaite pour accompagner la madame vers son monsieur. Ils s'embrassent et s'embrassent, se caressent, etc. Trouve un vieux tronc d'arbre pas trop pourri tombé dans la vase sur lequel se poser. Et un bon bout de temps très sensuel, très érotique plus tard, ça y est, un spermatozoïde de monsieur a fécondé l'ovule de madame. Voilà, ça c'est le premier chapitre de la blague. Il y a 23 chapitres. Et l'ensemble de la blague s'appelle Les morts rigolos. Et c'est un livre que j'ai publié récemment là. Voilà. Et la chute a l'air très drôle. Ouais, la chute, ça te défonce, Sarah. Ça. Bravo. Merci. C'est drôle ce texte sur la procréation et ça fait comme le lien avec le dernier texte dans lequel je t'ai entendu sur la destruction. C'était il y a un mois, c'était dans le cadre des 24 heures de mobilisation contre le parking sous la place du jeu de balle. Et là, tu étais plus dans la destruction à travers ce magnifique livre « Détruire, dit-elle » de Marguerite Duras. Oui, destruction, mais il y avait aussi la transe. Le mec, il entre en transe. Oui. Tu te rappelles ? Mais ça y a un lien. Oui, la transe. Parce que c'est aussi une de tes spécialités. Je rentre en transe en 2 minutes, moi. Ah ouais ? Montre-nous ça. Il faut que je me chauffe pour ça. Il faut que je me chauffe. Comment on se chauffe à rentrer en transe ? Bah non, mais c'est parce que je me chauffe par la voix. Je suis en transe par la voix, quoi. Ouais. Et donc je dois faire des. Comme ça pendant des heures, quoi. Enfin, pas pendant des heures, mais quand même un peu. Ouais. Ok, merci beaucoup, Antoine. Merci. Antoine Bout. C'est chaud quand tu racontes. Hein. Moi, à côté de toi, j'avais peur de recevoir un coup, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Ça va, t'es... Ouais, ça va. Ouais. Bah, j'avais conscience que t'étais là. Hein. Ah bah, en tout cas, moi, j'étais consciente que t'étais là. Hein. Je pouvais pas te rater. Mais c'est un niveau sonore particulier. Et je trouve que la caisse de résonance dans la camionnette, il y a vraiment une plus-value à être dans du radio camio là, pour ce genre de choses. Je ne sais pas ce que ça rendra pour les auditeurs de Radio Campus, mais Gérald a l'air de faire un petit oui satisfaisant. Après les mots parlés, je vous propose de passer aux mots chantés. Avec les sauvages qui essayent de mettre leur... Moi, j'ai un, pied de un peu d'or dans leur vie, etc. Ouais. Tu vas sortir ou tu restes là? Il faut... la forêt, là. Voilà. Je vais les écouter. Il faut dire que voilà. Les... Je vais reste... prendre un pied de micro, en fait, ou bien quelqu'un. Il y a juste un pied de micro, on va, là. Voilà, on va vous installer des micros, les sauvages. Mais peut-être vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, avant. Voilà. Salut. Salut. Alors là, vous entendez la voix de Ava Carrère, qui est la moitié de la salle du duo. Il y a des bougies qui tombent sur les ordinateurs, c'est de plus en plus apocalyptique. Ça doit faire plaisir à... Antoine, merci Antoine, c'était super, je me suis bien marrée. Du coup, voilà, on va avoir la pluie en percussion là un peu. Et ben voilà, vous aviez oublié vos percussions, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. On a pas oublié, j'ai une tendinite. Ah oui. T'as vu, on a bien répété avant. Ouais, ouais. Alors comment va cette tendinite? On peut pas trop mieux. On peut dire cette tendinite parce que vous n'avez pas arrêté ces derniers temps, et on peut le dire que là vous avez eu du mal à passer dans la camionnette parce que notre tête était trop grosse. Votre tête était trop grosse. Nos deux grosses têtes étaient trop grosses. Voilà. Ouais. Et le poids de l'argent alourdissait exactement nos poches. Exactement, ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sauvages sont devenus très riches et très connus puisqu'ils ont gagné la Biennale de la chanson française ainsi que le prix du public, ainsi que le prix Sabam. Donc pendant que Stromae était en train de chanter au Energy Music Award, eh bien on avait Ava Carrère et Ismaël Colombani, deux sages comme des sauvages, sur au Wolubilis, je pense. C'était le même soir. C'était le même soir. On a fait de la concurrence. Ouais. D'ailleurs, tous les. Il arrête la musique pendant quelques temps. D'ailleurs, il a dit c'est pas la peine. Voilà, vous avez gagné la guerre des tweets et des likes. Et qu'est-ce que vous nous faites alors? Du coup, on fait une chanson sur les enfants. Sur les enfants. On doit rester dans le thème. Hein. La continuité, c'est très important. La thématique en dans le streaming. La continuité, c'est important. Attends, ouais. C'est gitan, hein, parce que ouais, personne ça va, ne voit, mais ma main qui gratte la guitare touche le coude de ma comparse. Voilà, ça va? Ouais, c'est bon. On est prêts? Allez, viens. On entend tout bien? On va pouvoir y aller. Donne-moi un récit à tirer les couteaux, où ennemi change visage en frère et chante là aussi. Donne à moi un récit à porter sur le dos, laisse jolie la face de misère et chante là aussi. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance et brise-elle ici. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance et brise-elle ici. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à mon enfant. Donne à manger moins comprendre. Donne-moi un récit à se montrer les dents, n'a fait festin du coq que de bataille et chante là aussi. Donne-moi un récit à pleurer les parents, les oublier l'été des fiançailles et chante là aussi. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance et brise-elle ici. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance et brise-elle ici. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à mon enfant. Donne à manger moins comprendre. Tu me manques ici, tu me manques là. Ça me manque ici, du moment que c'est pas là. me manques ici même, même. Tu me manques là même, même. Ça me manque ici même, même. Du moment que c'est pas là même, même. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à mon enfant. Donne à manger moins comprendre. Merci. Sage comme des sauvages sur les ondes de Radio Campus. Et puisque le mot est à l'honneur, ah tiens, Valentine, je vois une petite tête connue, Valentine Bonomo vient nous retrouver et c'est une reine, elle a eu la fève apparemment. Oh bravo, voilà, voilà. Félicitations. Co-fondatrice aussi de Papier Machine avec Aldwin Raoul, on se place encore un peu plus et la bougie retombe sur l'ordinateur, tout va bien. Alors juste pour finir ma phrase, on parlait des mots à l'honneur et cette chanson « Brindille à mon enfant » que vous avez magnifiquement interprétée, même sans percussion et avec tendinite, c'était donc, je crois, du créole réunionnais simplifié. Débutant. Débutant. Approximatif. Bricolé. Ouais. Avec des fautes d'orthographe créole. Et bien, c'est exactement en fait la thématique de Saint-Gilles, ville des mots, de jouer avec la langue et qu'il n'y a pas de niveau de langue qu'on peut et que tout le monde peut s'approprier la langue française. Ouais, hein, voilà. Bref, on continue dans le streaming. Voilà. On s'en refait une petite Ouais, ça c'est du français, c'est un inédit. Ouais. On peut se tromper alors comme c'est un inédit. C'est une chanson pour ma filleule. Qui est née il n'y a pas longtemps. Voilà. On continue dans les enfants encore. On reste dans les enfants. C'est bien de faire des chansons pour les enfants, ils y comprennent rien. Tu t'es retrouvé rouge colère devant la douleur provoquée. De l'eau qui tombe sur la terre, que ton pied n'a tout pas touché. Qu'on t'appelle insulaire, qu'on t'appelle enfanté. Tu deviens le tonnerre qui fait pousser, qui fait pousser. Tu n'existais pas, tu n'existais pas. Tu viens rappeler que la poussière s'anime au premier jour d'été. Que la tante est sœur de l'hiver, que la tienne alors t'attendait. S'incline l'ordinaire à l'enfant présenté. Qui porte en bandoulière la beauté partagée. Tu n'existais pas, tu n'existais pas. Mais comment tu fais la joie d'ici, ma tout petit, ma tout petit. Comment tu fais la joie d'ici, sans le compris, sans le compris. Comment tu fais la joie d'ici, ma tout petit. Comment tu fais la joie d'ici, sans le compris, sans le compris. À chuter sans fin dessus les pierres, tes mains sauront te rattraper. Cri de peur ou cri de misère, bouche d'amour ou d'amitié. Tu sauras bien y faire, tu pourras te tromper. Restera l'éphémère des fleurs de juillet. Tu n'existais pas, tu n'existais pas. Mais comment tu fais la joie d'ici, ma tout petit, ma tout petit. Comment tu fais la joie d'ici, sans le compris, sans le compris. Comment tu fais la joie d'ici, ma tout petit, ma tout petit. Comment tu fais la joie d'ici, sans le compris, sans le compris. Et voilà. Merci beaucoup. Et maudit d'Antoine Bout au mot doux de Sage comme des sauvages. Voilà. Vous écoutez Radio. On est dans Radio Camio, hein, voilà. une bien chouette camionnette où et on commence à se réchauffer bien fort. Et on est sur le parvis de Saint-Gilles qui se réanime progressivement après cette espèce de drache monumentale dont Valentine, t'as l'air d'avoir bien profité. Oui, effectivement. Micro, micro Valentine. Radio égale micro. Bière qui s'est renversée sur moi. Alors en fait, je pense que vous en avez une troisième. Est-ce qu'on a on peut passer voilà. Merci beaucoup les sauvages pour cette. Est-ce que c'est une exclusivité qu'on vient d'avoir sur les ondes de... Carrément. Wow. Grave. Wow. C'est la première fois qu'on la chante. Ouais, Marguerite aussi, c'est une exclusivité, ma filleule. Exclusivité grave. Waouh. Je me tourne, je vais même m'accroupir pour vous voir tous les deux. Oui, on va vous réentendre en fin d'émission, je pense. Aldwin et Valentine, Aldwin Raoul, Valentine Bonomo, vous êtes les deux cofondateurs, entre autres, parce que je pense que vous êtes un peu plus nombreux, mais de Papier Machine. Papier Machine, je l'ai dans mon sac, je vais le sortir, mais... Il est là, Ah, vous l'avez aussi, mais j'en ai tellement aussi. D'exemplaires, moi, tellement je suis fan. Et je suis fan des numéros 1, et c'est d'ailleurs le numéro 1 qui est sorti avec ce magnifique mot qui parle fort à nous, gens de radio, souffle. Ouais, c'est donc une revue qui propose un peu comme vous, ici tous présents, j'ai l'impression de jouer avec les mots. Non. Hop. Voilà. Droit. Je parle droit. Et donc, c'est une revue qui décide de... qui propose de jouer avec les mots, notamment de pas laisser les mots tranquilles, en fait, que les mots reprennent un peu un visage humain et s'ébrouent, comme si par exemple il y avait un chien dehors qui prenait la drache tout de suite. Voilà, le chien est triste, le chien est maigre. Et nous, on essaye de redonner un peu de corps à tout ça, de la vie et d'éviter que les mots deviennent des coquilles vides. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec sur papier, donc. Et donc, pas chanter, ni crier, ni jouer. Et, on est obligé de prendre parti. C'est une dérive autoritaire. On parlera plus tard. Non, mais c'est l'idée, c'est de s'exprimer, de pousser aussi les gens à oser s'exprimer, peut-être. Parce que parfois... certains contributeurs qui ont participé à cette aventure n'auraient pas eu, en tout cas, l'idée de s'exprimer de cette manière-là. Mais toujours, on le rappelle comme ça. C'est vrai qu'on veut pousser à que chacun dise son mot ou dise sa vision, en tout cas, du mot qu'on a choisi. Mais toujours avec, pas juste pour parler, avec une volonté de réfléchir aussi, de proposer quelque chose de personnel et... Alors les contributeurs, disons-nous un mot, justement. Ouais, je me suis un peu... En tout cas, je pense qu'on m'a comprise. Comprise, voilà, j'en perds mes mots. Comprise, les liaisons dangereuses, oui. Les contributeurs diverses et variées, quels sont-ils? Pour le numéro 1, pour tous les numéros qui vont suivre d'ailleurs, c'était d'aller chercher à droite et à gauche des gens qui font partie de cercles qui forcément ne se touchent pas entre eux. Et donc, d'aller chercher plusieurs façons de faire, façons de penser. Des gens qui font partie d'un champ particulier, d'une spécialisation. On allait chercher un sociologue, on allait chercher un linguiste, on allait chercher des artistes conceptuels, on allait chercher un photographe, on allait chercher un chorégraphe. Sans être exhaustif, on essaye d'aller chercher des gens qui pourraient parler au plus de gens possible, mais donc chacun est dans une petite niche, et les petites niches normalement ne fricotent pas ensemble, et nous l'idée c'est qu'on essaye de mettre toutes ces niches à l'intérieur de ce papier-là, et qu'elles puissent fricoter ensemble à l'intérieur du papier. Et on accepte aussi bien sûr des contributions d'autres individus qui eux ont plus de mal à se mettre dans des cases, je pense qu'on peut en faire partie déjà, où on n'a pas une spécialisation, mais pourtant on peut avoir un regard qui s'est formé par peut-être une traversée de plusieurs spécialisations aussi. Mais cette idée, c'est vraiment de confronter les regards et aussi les générations et les niveaux d'expérience. Parce que dans le premier numéro, je pense que les plus jeunes, les contributeurs et contributrices, ça va de peut-être 20 et quelques années, la vingtaine fraîchement acquise et jusqu'à 86 ans. Donc c'est cette idée-là aussi de... Pourquoi 86 précisément? On a une contribution d'un sociologue très connu et que moi personnellement j'admire beaucoup, qui s'appelle Howard Becker, un sociologue états-unien. et qui a écrit justement quelque chose de très personnel en fait sur... Il faut aller lire son article, sinon on révèle un peu le truc. Mais en gros, il se retrouve à faire des pompes et avec un coach tortionnaire qui l'oblige à faire autant de pompes que son âge. Wow. Et donc là, il nous donne sa date de naissance. Et du coup, par mail, j'avais eu des échanges avec lui. Ça tombait pendant son anniversaire. Et il m'a dit qu'il venait d'avoir 86 ans. 86 ans, donc il fait 86 pompes alors. Exactement. Et apparemment, wow, il les fait, sachant que moi, j'en fais pas 3, mais... Ouais, il faut du souffle, c'est le cas de le dire. Et contribution libre, est-ce que tout le monde peut contribuer à Papier Machine? A priori, oui. En fait, nous, pour les premiers numéros, on n'a pas diffusé très largement l'appel. On a vraiment plutôt, même pour nous, parce qu'on est un peu novice dans ce travail-là et qu'on ne voulait pas se retrouver avec beaucoup de propositions. Et puis à la fois, c'est vrai que c'est un projet nouveau, donc les gens, avant d'avoir vu le projet, ils ont peut-être pas, ou l'objet peut-être plutôt, ils ont, enfin voilà, faut réussir à les convaincre. Donc on a été chercher des gens très spécifiquement parce qu'on les connaissait, on admirait déjà leur travail, on avait envie de les connaître, ou voilà, ils avaient une approche qui nous intéressait. Et puis au fur et à mesure, il y a aussi des gens qui en ont entendu parler et qui sont venus vers nous spontanément. On a quand même mis l'appel à contribution pour le deuxième numéro au sein même de la revue, parce qu'on trouvait ça intéressant que quelqu'un qui lit la revue, qui l'aime et qui d'un coup voit que lui aussi il peut participer, on trouvait ça chouette. Et donc a priori oui, et je pense que de plus en plus largement on ouvrira aussi les feuilles de papier machine à des gens de cercles aussi plus éloignés de nous, avec grand plaisir, mais oui. Très bien. Et c'est vrai qu'une revue, c'est toujours mieux de la lire. C'est toujours un peu compliqué d'en parler à la radio. Il vaut mieux la dévorer des yeux, comme est en train de faire le duo Sage comme des Sauvages. Vous aimez ça, là, de ce que vous voyez? Ouais, ça a l'air. Les obliger à dire ça comme ça. On n'a pas le choix, non? Ça a l'air nul. Ils ont un couteau sous la gorge. Non, mais j'ai remarqué qu'il y en a une qui vient de La Réunion. Ah, Maud. Elle a étudié à La Réunion. Ah, ouais. Mais il y en a un autre, ouais, qui vient de La Réunion. Et Johan, qui est l'un de Saint-Pergue. Ouais, Saint-Pergue, qui est à La Réunion encore en ce moment. Mais avant qu'on se lance dans la lecture, moi j'ai vraiment envie de pisser un bol. Je sais qu'il n'y a pas de rapport, mais il faut que j'y aille. Et donc je reviens dans 1 minute 30. Ok, bah c'est la magie du direct. Eh bien, Antoine, alors tu pourrais avoir 1 minute 30 pour nous décrire une des pages de souffle de papier machine ou nous lire un autre petit texte. Ça, c'est comme tu le sens. Je sais que tu étais venu avec un autre petit texte pas forcément abouti. C'est comme tu veux. Oui, c'est sûr que lire des trucs comme des extraits comme ça à vif. Je crois que c'était plus une description, tu disais. Oui, une description à chaud. Je suis mauvais là-dedans. C'est comme tu veux, tu vois, c'est un micro ouvert. Mais oui, je suis pas bon là-dedans. Par contre, je peux vite vous lire un extrait de la suite de la blague très très loin après. Mais avec plaisir, on attend avec impatience la chute. C'est-à-dire que en fait, pour la donc là, je vous ai lu les premières pages du bouquin. Et en fait, après, j'ai écrit la suite de la blague très très loin. Après, là, je vous ai donné les pages jusqu'à la page 25. Et là, à la page 200, à partir de la page 200, j'ai écrit avec mes enfants. Que je leur ai demandé de me raconter des trucs. Et puis moi, j'ai écrit ce qu'ils disaient, quoi. Et donc, ils ont dit, ouais, nous, on veut écrire un livre où on tue tout le monde sans faire exprès. Et voilà. Et donc ici, moi, je vous propose de lire le passage où Victor et Lucas, Lucas il avait 5 ans et Victor il avait 7 ans, tuent sans faire exprès leurs parents. Tout le monde est au déjeuner, et au petit déjeuner, c'est juste après Noël, et Lucas a reçu une boule de Noël. Et donc il demande à sa maman de mettre la boule de Noël dans le sapin de Noël. Mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est trop petite. Et du coup, elle appelle Antoine, donc moi. Tu peux venir accrocher la boule de Noël dans le sapin, s'il te plaît? Moi, j'y arrive pas. Ok, j'arrive, donne-moi la boule. Antoine prend la boule, mais au même moment, au moment où il la soulève, il entend un drôle de bruit à l'intérieur. Tic, tic, tic. Anne, viens écouter, il y a un drôle de bruit à l'intérieur de cette boule de Noël. Et donc là, la bombe explose, etc. J'essaie d'aller vite parce que, comme notre camarade a déjà été pissé, c'est-à-dire qu'il a sans doute été pissé sur les roues de la camionnette. Et donc la bombe explose et tue Anne et Antoine d'un seul coup. Et alors. Bref, je vais très très vite. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lucas? Bon, ben viens, Victor, vivre dans la forêt comme des hommes préhistoriques. Je suis d'accord, mais il faut d'abord s'occuper de l'enterrement. Mais comment? C'est facile, on appelle les flics. Oh non, pas question, on appelle pas les flics, on appelle les pompiers, j'ai des problèmes avec les flics. Parce que plus tôt dans l'histoire, en fait, il avait pété dans le téléphone aux flics. Bah, c'est pas grave, c'est moi qui les appelle alors. Non, non, on appelle les pompiers. Bon, d'accord, on appelle les pompiers. Victor se penche sur le corps de son papa et prend le téléphone qu'il a dans sa poche. Maintenant, c'est mon téléphone, dit-il. Et celui de maman, c'est le mien, répond Lucas en se penchant sur le corps de sa maman. Allô les pompiers, mon papa et ma maman sont morts. Ok, on vient vous chercher. Vous avez des grands-parents chez qui vous pourriez aller habiter? Ouais, on en a plein, mais on veut pas. On a décidé d'aller habiter dans la forêt, comme les hommes préhistoriques. Ok, les gars, on arrive. Dites les pompiers, vous pourriez nous donner les squelettes de nos parents comme souvenir? Comme ça, on les pend à un arbre et autour de l'arbre, on va faire une cabane. On utilisera leurs os pour massacrer les méchants. On prendra aussi la boule de Noël bomb, le boomerang lame et les vrais fusils, tous les jeux qu'on a reçus à la Noël. Dites les amis, ce n'est pas très poli de prendre le squelette de vos parents. Normalement, il faut les mettre dans le cimetière. Bah non, pas obligé. On garde le squelette et on met juste le cœur au cimetière, ok? Bougez pas, on arrive. Bon voilà, je vais arrêter là. Hein. Ça laisse en suspens, on continue un petit peu, on veut. Ouais. Alors, oui. Voilà, on arrive. J'aime bien le bon, après l'enterrement. J'ai envie de lire la suite. Bon, bah, comme tu veux, je sais pas qui est le chef ici. Après l'enterrement de leurs parents, Victor et Lucas se préparent, comme prévu, à habiter dans la forêt comme des hommes préhistoriques. Alors, la première chose à faire, se disent-ils, c'est de tailler des lances et des flèches, puis de se fabriquer un arc. Comme ça, si une biche passe, on la tue. Ils ont à peine fini de tailler qu'un cerf vient se battre avec son copain dans le jardin. Leur maison est juste au bord du bois et donc il y a souvent des cerfs qui viennent s'y battre. Ok, moi je tue le plus grand, dit Victor, parce que c'est moi le plus grand. Ah non, moi je dois avoir le plus grand, puisque je suis le plus petit. Je dois plus grandir que toi, donc j'ai besoin de plus de cerfs que toi. Enfin, je suis pas d'accord, je prends le plus grand. Bon d'accord, mais alors tu m'en passeras un bout. Ok, mais alors tu me passes une de tes flèches. Ah non, si c'est toi qui tires, prends ton arc à flèches à toi et tes flèches à toi, parce que si tu rates ton coup, j'ai pas envie que tu perdes mes flèches. En tout cas, si c'est moi qui tire, je prends pas ma meilleure flèche, j'ai pas envie de la perdre. Si, prends-la, comme ça tu pourras mieux viser. Bon, alors je suis d'accord de prendre ma deuxième meilleure flèche, celle avec des plumes de vautour. Ah bon? Et ta première meilleure flèche, elle est en plume de quoi alors? Bah, avec des plumes d'aigle, tiens, gros malin. Et toi, ta première meilleure flèche, elle est en plume de quoi alors? En plume de poule. Eh ben, alors on n'a qu'à prendre tes flèches, elles sont moins précieuses. Mais ce sont pas les flèches qui comptent, c'est la flèche. Ah bon? Ben oui, une bonne flèche, c'est une flèche qui va bien loin et tout. Une flèche avec laquelle on arrive à bien viser parce qu'elle est bien droite, bien taillée, pas trop lourde, pas trop légère. Et la mienne, c'est tout à fait ça. Donc on va plutôt prendre la tienne, d'accord? Puisque la tienne, elle est quand même moins précieuse que la mienne, hein. Mais non, parce que la mienne, elle est en bambou, donc elle est bien mieux. Ah ben, alors parfait, si la tienne c'est la meilleure, on va l'utiliser, parce que avec celle-là, on sera sûr qu'on ratera pas le deuxième plus gros cerf. Bon, allez, c'est ok. Bon, alors ils discutent tellement longtemps que finalement, ils remarquent pas que les cerfs sont fatigués de se bagarrer et que dans le jardin, ils sont partis, etc. Et ben, voilà. Là, je vous laisse par contre... Il se passe plein d'autres trucs après, mais bon. Mais ça, donc, voilà, ce genre de discussion, c'est les vraies discussions que j'ai retranscrites. Quoi. Et alors, où vous n'auriez pas compris que vous pensiez que j'étais un écrivain de génie, pas du tout, c'est juste des enfants qui. Et pour lire la suite, alors, les mots. Les morts rigolos. Ah, les morts rigolos, ouais, c'est encore en fait, plus rigolo. C'est un livre qui commence par j'ai une blague. Et puis finalement, je commence tout doucement à philosopher sur le concept de blague. Et j'explique qu'en fait, structurellement, la blague et l'enterrement, c'est la même structure. C'est-à-dire qu'ils sont tendus vers une chute qui pète, quoi. Et donc en fait, finalement, je révolutionne les enterrements. Je fais la révolution des enterrements dans le livre. C'est pour ça que ça s'appelle Les morts rigolos. C'est parce qu'en fait, j'explique qu'il faut faire vraiment la révolution des enterrements. En Occident, il n'y a rien de plus chiant qu'un enterrement, quoi. Et donc là-dedans, je fais des programmes d'enterrement complètement révolutionnaires et je monte les pompes funèbres expérimentaux dans les magasins. c'est distribué par le Seuil, donc normalement c'est bien foutu. Okay, ouais. Mais c'est pas publié par le Seuil, c'est distribué par le Seuil. Voilà. Okay. Mais normalement ça se trouve, sinon on peut le commander. À Bruxelles, par exemple, c'est la librairie Ptix notamment, et chez Tropisme aussi, ouais. C'est sûr. Par contre, chez Filigrane, ils n'en ont rien à cirer. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Papier Machine, vous êtes distribué par qui, vous? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Pas par Filigrane. Vous êtes à Jolimet, notamment, c'est là où je vous ai découvert. Oui, on est distribué par nous-mêmes. Et on est dans beaucoup de librairies à Bruxelles, du coup, parce qu'on a des pieds qui vont vite. on n'est pas à Filigrane non plus, mais on est à Tropisme aussi, à Ptix, Jolimet sans papier. Les plus belles. On en a oublié qui sont peut-être très belles aussi. Non, oui. Toutes les plus belles. Vous toutes les dedans. Plus belles. Si c'est une belle librairie, rentrez, on est là. Et on est aussi à Liège, subjectif, à Namur. Hein. Chez Évasion, la beauté, c'est subjectif. Vous êtes chez Évasion et chez Pêle-Mêle. Non. Peut-être, j'adorerais un jour aller chez Pêle-Mêle. Et d'ailleurs, on a des exemplaires mal reliés. On va essayer de les refourguer à un libraire de seconde main pour avoir le plaisir d'être... Vive Pêle-Mêle, ouais. Vive le recyclage. Exactement. Et vive vos mots si pressons le pas un petit peu, oui. Si, car l'émission touche doucement vers sa fin, même si je déteste cette expression. Tu vois, tous les mots sont bons à dire, mais pas n'importe quand. Alors, on vous écoute. Eh ben, je vais lire un petit extrait de mon article, du coup, mais avec moins d'énergie et de... Peut-être qu'on peut juste dire que on va lire une petite partie de nos contributions au premier numéro. Pas parce qu'on pense qu'on est les meilleurs contributeurs de Papy Machine, parce que Leslie nous a dit pourquoi ne vous lisez pas vos mots à vous, ce qu'on fait pas souvent, c'est vrai. Et du coup, cet article s'appelle « Aux chiottes l'arbitraire ». Alors. L'œuf englobe ce qui sera poule. Le son contient le sens, le mot incarne la chose. Souffle. On entend le feuillage s'agiter, le craquement du bois malmené par la bourrasque. On se figure la perfidie de vent qui se glisse sous la porte, qui siffle dans les interstices et pénètre notre imagination par les fissures de nos planches de bois mental. S, le dessin du vent zigzagant depuis haut, la joue gonflée du dieu Éole, entre les F, branches pliées sous la rafale, E, l'humain adossé à L, l'arbre protecteur, tronc stable au milieu du raffut chointant. La tentation est immense d'aller chercher dans les sons ou le dessin des lettres la signification du mot, comme si le mot était un portrait fidèle de la chose qu'elle désigne, une formule kabbalistique qui ferait apparaître la chose en la nommant. Cette tentation ne date pas d'hier. Platon, déjà dans son dialogue « Le cratil » posait la question. Notre langage est-il naturel ou bien est-il le fruit d'une convention entre les hommes ? Cratil défend l'idée que le mot est juste, qu'il est né de façon naturelle dans la bouche des premiers hommes qui ont commencé à nommer la nature et les objets, car l'impression que ceux-ci produisaient en eux se traduisait de façon exclusive par tel mot. Hermogène, son opposant, affirme que les noms ont été inventés de façon arbitraire et sont issus d'une convention entre les hommes. Autrement dit, selon lui, en lieu et en place du mot « cochon », on aurait pu dire « copain » ou même « banquier », sans troubler l'ordre du monde, et ce, car tous les mots se valent. Depuis Platon, beaucoup d'humaines fourmis se sont affairées autour de ce questionnement élémentaire. Parmi celles-là, certaines ont choisi de se tenir aux côtés du cratil, avec beaucoup de virtuosité, souvent une bonne dose de mauvaise foi et parfois du génie, pour soutenir donc le fait que le mot, le signifiant, est motivé par la chose, le signifié. Ce texte leur rend hommage. Donc, débroussaillons à la machette la jungle où se tapit le cratilisme, dont nous pourrions ainsi résumer les fondements. Le bruit des mots fait écho au bruit des choses. Donc prononcez le mot souffle avec moi, vos lèvres se referment sans se toucher et expulsent l'air en produisant un souffle. Le son du mot imite la chose. On parle de mimésis phonique ou de mimophonie. Je vais vous lire un petit extrait de donc, tout l'article où je développe un peu cette théorie donc, fumeuse, mais géniale. Je parle beaucoup d'exemples et de beaucoup de philosophes qui ont tout essayé un peu à la suite les uns des autres de justifier cette théorie. Mais il y en a un qui me plaît particulièrement et c'est Charles Nodier qui a publié donc en 1808 un dictionnaire raisonné des onomatopées français, qui est un sommet de la mauvaise foi. Et donc l'onomatopée, pour rappeler pour tout le monde, du grec onoma, nom et poyen, créé, est défini par le petit littré comme il suit. Formation d'un mot dont le son est imitatif de la chose qu'il signifie, par exemple le glouglou de la bouteille. Donc, Charles Nodier, dans son dictionnaire, définit le mot asthme comme il suit. L'asthme est une infirmité qui consiste dans une grande difficulté de respirer en certains temps. Cette onomatopée imite le bruit de la respiration brusquement interrompue. Un peu plus loin, bœuf, nom d'un animal qui beugle. Juste après, boa, nom d'un serpent énorme dont le cri ressemble au beuglement des taureaux. Donc je rappelle que ça a écrit en 1808, donc il n'a probablement jamais vu de boa. Et ça continue avec brouhaha, qui est probablement vrai, bruit confus d'applaudissements qu'on entend dans les spectacles et dans les lieux d'assemblée, où l'on récite des ouvrages d'esprit. Donc comme ici, on pourrait entendre. C'est une contraction de bruit et de haha, prononcé bruit de haha dans le vieux langage. Et un petit dernier exemple du dictionnaire, fleur, du bruit que fait l'air aspiré par l'organe qui recueille les parfums de la fleur. Voilà. Donc... Donc voilà concrètement en quoi consiste ce texte. Et ça s'est développé en long et en large avec des exemples à tir à l'arigot. Et après, au lieu de parler de mimophonie, je parle de mimographie. Donc c'est quand là, on va chercher dans le dessin des lettres la signification du mot. Voilà. Et je vais donc maintenant passer le micro à Valentine Bonomo. Qui va, voilà. Et elle donnait le seul type qui arrive à rendre la linguistique très très drôle. Je recommande la lecture de cet article. Qui parle du mot souffle au sens vraiment... Il s'est vraiment attaché au mot souffle, ce que n'ont pas fait tous nos contributeurs de Cyprès en tout cas. Est-ce que c'est ça la sémantique ? La sémantique ? Oui. C'est une bonne question. Ouais. D'accord, mais parce qu'on dirait que tu es docteur en mots là. Non, donc, non, non, non. J'en profitais semblant, pour poser des questions un peu intellectuelles, mais allez, on n'a pas le temps, on enchaîne. En fait, la sémantique, c'est plus sur le sens des mots. Et là, tu joues peut-être sur le... C'est sur le, la, la forme et le son, et la sonorité. Moi, ce que je comprends, c'est que la sonorité influe le sens, et vice-versa. Ça, c'est leur théorie, en tout cas. Oui. Fumeuse. Je pense que ça a à voir, quand même. Bien sûr, c'est lié, c'est ouais. Clair. Bon, mais moi, je rappelle le temps, en fait. C'est ce que j'aimerais bien. Peut-être qu'on arrête, sinon, si c'est... Il y a peut-être une... Est-ce qu'on voudrait une dernière On fait un texte chanson. Avec toi, et puis on fait une chanson, et puis alors, on dit au revoir. S'il ouais. Y a le temps. Ce alors Valentine, oui, tu as 2 minutes d'expression libre. Ouf. Top chrono. En fait, on a choisi des textes un peu peut-être les plus compliqués du premier numéro. Ce que je vais lire, c'est un texte qui n'a pas de rapport forcément direct avec le souffle, pour contredire tout ce qu'on a dit avant, parce qu'on aime bien faire ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a aussi des rubriques récurrentes dans Papier Machine, dont une qui est écrite par Jean-Pierre Monfrançais, en fait moi, mais c'est un mauvais jeu de mots qu'on a mis en titre. Parce que, voilà. J'y vais. Je pense que vous comprendrez le concept, ou peut-être je l'explique, je sais pas. Non, vas-y direct. Ok, j'y vais direct. Penser, écrire, parler est une chose. Trois, en fait. Encore une autre serait de le faire en français. Pense-t-on dans la langue que l'on parle ? Alors écrire pour penser, et penser dans le désordre, du bon et du moins bon usage de l'éponge. Imbibé de liqueur ou d'une exo-saveur, la langue se perd, se disperse. Un univers de gestes et attitudes, propre à l'individu, plie de son cas. Dans quelle vallée s'arrête ma langue ? Indécidément, là où commence celle des autres, sur ce bord déchiqueté d'une éponge. Papier absorbant de vos humeurs et vos chansons, je vis et mon dire comme des girouettes aux syntaxes incertaines. Au gré du vent et de la fatigue, de neurones qui aiment à jouer avec leurs connexions, liens forts, liaisons faibles, du souffle qui ne maintient plus les pensées en place malgré une relative cohésion de la matière. Ces langues ligotent et tricotent, chacun des êtres chimères empêtrés dans une dyslexie polyglotte ou simplement musicalement passionnés. Mais qui est ce soi dont tout le monde nous parle ? Si la réalité s'incarne dans la langue, alors l'existence de la diversité interdit la matière au réel. Qu'en est-il alors de ce moi pétri d'idiotisme importé à la vitesse de la lumière ? Consistance flottante d'un langage en révision, pelote dépelotée d'enchevêtrement d'idées. Souvent, est-ce ma langue ou ma pensée qui bifurque ? À la prochaine fourche, le dialogue change de cap. Mets donc la grande voile des petits n'importe quoi. Bientôt nous serons là, réfugiés entre les plis de nos désirs et de nos draps, repassant nos chemises pour mettre les petits pas dans les grands, pour y faire rouler des poids de non-sens, galés d'absurdes dans des vagues de salive. Débrayer la chronique sans ordre chronologique, au gré de glissements de sens défiant toute conférence. Dans l'immédiat et récienne se niche l'impératif d'ouvrir des espaces pour les néologismes. Prise de liberté subite dans les potentibles du langage, exprimant une bouche qui se referme sur des lapsus typographiques au moment où les mots eux-mêmes se mettent à douter et demandent à sortir à tout prix, principalement n'importe comment. Secousses sismiques sans une cesse ni pareille. Des racines en cuisine, une latinade à la crème adhèrent à la poêle. Et surtout, ne pas oublier d'explorer le côté vert de l'éponge, direction hésitante et contradictoire du frottement des sons les uns contre les autres, chemin faisant vers poésie et confusion. Grattons d'horizon, de haut en bas, de long en large. Mise en regard, à l'écoute et en pâture, les rondeurs rocailleuses des champs de Cappadoce, le picotement nasal chez les Tupiniqui, mots marottes, son obsession, dissente sous soubresaut, obéissons et nous infabulons. Waouh, du mot, en veux-tu, en voilà. Si vous... On n'expliquera pas le concept, ça, c'est beau tout seul. C'est un ouvroir de lapsus potentiel. Voilà. Juste peut-être dire avant de laisser le dernier mot à Sages comme des Sauvages que donc, le prochain numéro de Papier Machine est en préparation, qui devrait sortir fin mars 2015. Mars 2015, si vous n'êtes pas trop à la bourre. Pas du tout. Et avec le thème. Le mot. Trappe. Alors, merci à tout le monde, vraiment. Merci au camion, à Camio, Radio Camio. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que essayons de retenir la date. Donc, c'est les premiers vendredis du mois, ici, au Parvis de Saint-Gilles, en lien avec la Brasserie de l'Union, de créer comme ça une espèce de scène ouverte, voilà, qui veut venir prendre la parole, faire un morceau de musique. Et c'est fait évidemment avec des bouts de ficelle, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas amener sa grosse batterie. C'est fait tout simplement, quoi. La chanson, une guitare, un petit ukulélé, ou voilà, sa voix, quoi. Voilà. Je te laisse présenter et finir. Bon, on va y aller, hein. Alors on y va. Car mon joli bouquet, mon bon monsieur, d'un tout joli couleur sec viveux, il transpire la rosée, senti madame, mon accueil à lui grand mal. De retour sur Radio Camio. La radio qui prend en otage les ondes. Voilà, on va s'accorder un petit 5 minutes supplémentaires pour écouter la fin de la chanson de Sages comme des Sauvages suite à une petite coupure de courant dans tout Saint-Gilles et voire dans le monde entier car c'est une émission interplanétaire. Les Sauvages, c'est à vous. Et c'est pas une chanson de Sages comme des Sauvages, c'est une chanson de Alan Peters qui, comme son nom ne l'indique pas, est un créole réunionnais mort. Car mon joli bouquet, mon bon monsieur, a toute jolie couleur sec qui veut. Il transpire la rosée, sainte madame, moi l'accueil à le grand matin brûlé. Et dans mon pose panier, à lui-même va choisir, malgré son désolé. Après moi va partir, fourmir mon brûlé, ou que moi n'en a plein de frères, n'en les petits bébés. Achète madame, il vendra pas cher, malgré que les blancs, les frais, mon bon monsieur. Pour sûr que lui va range bien votre salon, ou bien prendre Zazalé, Zanti madame, senti bouquet de joie dans votre maison. Chapeau saisi coco, monsieur madame. Chapeau saisi coco. D'un pays il a fait chaud, monsieur madame. Chapeau saisi coco. Mon l'a quitté la ville pour venir ici même. Épargne à ou la peine. Descendre où ça fait saut. Où va des mots saisis. Où va des mots coco. Chapeau saisi coco. Achète un aujourd'hui. Chapeau quand il fait chaud. Messieurs, madame. Ma tête connaît pas si on a chapeau. On connaît n'a des longs. madame. Pour rafraîchir messieurs, madame. Allez-y la tête pichante et achète les bons marchés. Pas besoin de prendre un autre pour faire des boniquets. Allez, on termine en remerciant vraiment tout le monde qui est là. En premier, évidemment, Gérald, sans qui ce serait impossible de faire, même si on s'est pris un peu la tête. Je pense que t'as quelque chose à dire, Gérald ? T'as la parole. Non, mais tout va bien. Je suis très content d'être venu. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, je te laisse la parole, Leslie, parce que je ne connais pas tous les noms des invités ici. Peut-être toi, tu peux donner ton prénom, merci. Antoine. Antoine Boot. Boot. Boot. Voilà, Leslie. Antoine Boot, comme ça se Boot. Prononce, ou presque. Aldwin, Raoul, Valentine, Bonomo. Donc, Gérald, merci encore une fois à la technique. On avait Ava Carrère et Ismaël Colombani, deux sages comme des sauvages. On remercie beaucoup Graziella pour l'accueil. Hein. C'est quand même ta camionnette, il faut le dire. Hein. Oui, bon. C'est pas... Ça marche ? C'est ma camionnette ! J'ai pas l'impression de l'avoir dit comme ça. Tu as dit ta. Oui, juste pardon. Ta, j'ai utilisé. Et je fais ma. D'accord. Non, c'est un truc, j'aimerais bien que ce soit un truc collectif en tout cas. D'accord. La guerre des mots ici. Et collectif, et on a une petite pensée pour Karine aussi, qui anime d'habitude cette émission et qui est sous d'autres tropiques. Et donc, une grand merci à merci elle d'avoir à toi, pensé à moi aussi, pour Leslie, l'animation. Ouais. Ouais, ouais. Merci à toi. Salut, bonne soirée. Salut. Il faut être poli. C'est bon, c'est dire des grossièretés. Voilà, c'est bon. On peut repartir sur le... Oui. Ah oui. J'y tiens fort, surtout que c'est le beau celui-là. Je sais combien t'en as, donc oui, fais gaffe. Oui, mais celui-là c'est le beau. Je pense que ça fait partie des beaux qui est déjà corné. Non, mais si, je pense. De toute façon, le papier machine est fait pour être abîmé. Non, c'est un moche. Ah ouais. Tu sais ça au coin, là, en fait. Si c'est pas relié en cahier, c'est que c'est pas un beau. Ça me vexe que tu aies dit ta camionnette.